revient tard. Pars vite et reviens tard. Pars vite. Reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Deuxième épisode. Josse Le Guerne, marin breton émigré à Paris, a repris la vocation familiale de son arrière-arrière-grand-père. Il est devenu crieur public. Tous les jours, il se rend sur la place Edgar Quinet, dans le 14e arrondissement, pour y clamer les messages que les gens déposent dans son urne. Or, depuis quelque temps, d'étranges annonces se succèdent, au contenu énigmatique et vaguement apocalyptique. De Cambrai, vieil homme érudit et secret, qui tient un petit hôtel familial sur la place, s'est mis en tête de les décrypter. Dans le même temps, le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, qui vient de prendre ses nouvelles fonctions à la brigade criminelle du 13e arrondissement, en compagnie de son fidèle adjoint Danglars, a reçu la déposition d'une femme s'inquiétant de signes bizarres peints sur les portes de son immeuble. Attention, Damas! Bon sang, mais qu'est-ce que tu trimbales dans cette grosse caisse? C'est un âne de plomb, quoi! Ça se dit pas, un âne de plomb, Damas. On dit lourd comme du plomb ou lourd comme un âne mort. Et puis c'est pas une caisse. C'est une mâle cabine. Et elle a fait plusieurs fois le tour du monde. Alors un peu de respect. C'est toi qui as gravé tous les petits dessins dans le bois, là? Ah non, ça c'est mon arrière-arrière-grand-père. Nicolas Le Guerne. C'est que c'était un artiste, l'aïeul. C'est pas bientôt fini, tout sera fût. Excuse-nous, Lisbeth, mais c'est que j'ai quelques affaires à déménager. Alors, c'est pas une blague. C'est toi le nouveau locataire. Si De Cambrai n'a pas changé d'avis dans la nuit, ouais. Bon. Alors, faut que je t'explique deux ou trois petites choses. Rapport à l'organisation de la maison, tu comprends? Je t'écoute, Lisbeth. Ici, on est quatre, sans compter le patron. Chambre 1, il y a Castillon. Avec lui, tu peux y aller franchement, il aime la rigolade. Mais chambre 4, il y a Evelyne Curie. Et avec elle, attention, pas de conneries. Ça fait 18 mois qu'elle est là, en sécurité. Son jus lui cognait dessus, paraît qu'elle l'aimait. Moi, ça me dépasse, mais bon. En tout cas, ce salaud-là la recherche dans toute la ville pour la ramener au bercail. Alors ici, on l'appelle pas Evelyne, mais Eva. Et faut la traiter avec ménagement. Reçu, marinier? Reçu, Lisbeth. Quant à moi, tu me connais. Je suis plutôt bonne fille, mais les blagues de cul, je peux plus les encaisser. C'est tout. T'en fais pas, Lisbeth. Chez les Le Guerne, on est peut-être des brutes, mais on n'est pas des goujats. Ah, le petit déjeuner, c'est de 7 à 8. Et le dîner, à 20h tapante. C'est deux bouteilles par soir, pas plus. Parce que De Cambrai a tendance... donc je le freine. Ceux qui veulent une rallonge peuvent aller chez Bertin en face. Bon, je crois que je t'ai tout dit. Ah, une dernière chose. Oui, Lisbeth. Ton annonce neuf à la criée de ce matin, c'était une blague ou quoi? Non, je crois que c'était de l'italien, c'est tout. Ah bon? Tu vas avoir besoin d'un interprète bientôt, alors, si ça continue. Faudrait d'abord que je puisse le payer. Bon. Sois le bienvenu ici, en tout cas. Merci, Lisbeth. Franchement, il n'y a pas à dire. Elle a la classe, Lisbeth. Ouais, comme tu dis. Bon, allez. Hop. Allez. Commissaire? Oui, Lieutenant Morel, commissaire. Il y a une jeune femme qui attend dans votre bureau. Elle ne voulait avoir affaire qu'à vous, une certaine Maryse Petit. Elle est là depuis 20 minutes. Je me suis permis de fermer la porte parce que Favre voulait lui soutenir le moral. Ah merde, la fille d'hier, j'ai été trop gentil. J'ai commis une bourde, commissaire? Non, Morel, c'est de ma faute. Grand, mince... prognate, sensible, égale Morel. Ah, commissaire. Excusez-moi de vous déranger encore. Une minute. Oh, alors c'est quoi cette fois, hein? Vous avez encore peur? Vous vous souvenez, Maryse, c'est le groupe homicide ici. Oui. Si vous vous sentez trop inquiète, un médecin vous serait peut-être plus utile qu'un flic. Peut-être. Cessez de vous tracasser, les tags n'ont jamais mangé personne, vous savez. Mais je vous ai pas dit, pour les autres immeubles. Quels autres immeubles, hein? Deux immeubles à l'autre bout de Paris, dans le 18e. Combien? Il y avait aussi des quatre noirs sur toutes les portes. Et ça datait de plus d'une semaine, bien avant mon immeuble en fait. Comment l'avez-vous su? J'ai conduit mon fils chez le phoniatre hier soir, parce qu'il est dyslexique, vous comprenez? Pendant la séance, j'attends toujours au café d'en bas. Je feuilletais le journal du quartier, enfin, vous savez, les nouvelles d'arrondissement, tout ça. Il y avait toute une colonne là-dessus. Un immeuble de la rue Poulet et un autre dans la rue Caulaincourt. Ils avaient été couverts de quatre sur toutes les portes. Je vous ai apporté l'article. Pour que vous voyez que je vous racontais pas des blagues. Enfin, je veux dire, que j'essayais pas de faire mon intéressante ou quoi. Attendez. On va tout reprendre depuis le début. Votre nom, votre adresse, le dessin de ce 4 et toute la suite. Mais je vous l'ai déjà dit hier. Ah, mais je préfère tout reprendre. À l'ordinateur, cette fois. Ça sera plus sûr. D'accord. Bon, alors. Maryse. Maryse comment déjà? Un petit verre, le Guerne. Volontiers. Bertin, apportez-nous une bouteille de muscadet, deux verres, s'il vous plaît. Tout de suite. Vous les avez? Seulement deux. Les autres sont rangés dans la boutique de Damas. Vous vous en souvenez? Il y a le type qui raconte sa vie sans queue ni tête, comme d'habitude, et puis celle de ce matin, en italien. C'est du latin, le Guerne. Du latin? Et voilà. Merci, Bertin. Ben moi, j'aime pas trop ça, hein. Lire des trucs qu'on comprend pas, c'est pas du travail honnête. Qu'est-ce qu'il cherche, le gars? Emmerder le monde? C'est très possible. Et ça vous ennuierait de me les montrer? Non. Tenez. Après quoi, je me rendis à... point de suspension par la rivière... Je me fis débarquer à l'autre bout de la ville et à la nuit tombée, je pus entrer en la maison de la femme de point de suspension et là j'eus sa compagnie, bien qu'avec mille difficultés, néanmoins. Enfin, j'avais ma volonté d'elle. Rassasié de ce côté, je suis parti à pied. Ah, je connais ce texte, bon sang! Mais impossible de me rappeler ce que c'est. C'est comme si me parvenait à travers une espèce de brouillard. Soit j'ai trop bu, soit ma mémoire me joue des tours. Des fois, c'est le sextant qui lâche. Et la deuxième? Bon. Voilà. Merci. Et de eis que significant illud est ut videas mures et animalia quae habitant sub terra fugere ad superficiem terrae et patisedar. Id est como viri inc indesicut animalia ebria. Je peux les garder? Bon, si ça vous avance. Rien pour le moment, mais... Je trouverai, le Guerne, je trouverai. Ce type joue au chat et à la souris, mais un jour, un mot me mettra sur la piste, j'en suis convaincu. Ben pour aller où? Pour savoir ce qu'il veut. N'auriez jamais pu faire crieur, vous, hein? Parce que si on s'arrête sur tout ce qu'on lit, c'est la fin de tout. On peut plus crier, on s'étrangle. Un crieur, ça doit être au-dessus des choses. Parce que j'en ai vu défiler des cinglés dans mon urne. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui payait plus que le tarif réglementaire. Ni qui causait en latin, ou avec des vieux S en forme de F. À cause à serre, on se demande. Avancé masqué. D'une part, c'est pas lui qui parle, puisqu'il cite des textes. Voyez l'astuce, il ne se mouille pas. Ouais, bah moi j'ai pas confiance dans les gars qui se mouillent pas. D'autre part, il choisit des textes anciens qui n'ont de sens que pour lui. Il se planque. Marquez, j'ai rien contre l'ancien. Je fais même une page d'Histoire de France à la criée. Vous avez remarqué? Ça remontait à l'école, ça. J'aimais bien l'histoire. J'écoutais pas, mais j'aimais bien. Je vous resserre. Ah, si vous voulez. C'est le prof que j'aimais bien dans le fond. Il aurait parlé chinois que ça m'aurait plu quand même. Quand ils m'ont viré de la pension, c'est le seul que j'ai regretté. C'était pas des rigolos à Tréguier. Qu'est-ce que vous foutiez à Tréguier? Je vous croyais du Guilvinec. Mais je foutais rien justement. J'étais en pension pour qu'on me refasse le caractère. Ils sont usés les griffes pour rien. 2 ans plus tard, ils m'ont renvoyé au Guilvinec. Rapport à la mauvaise influence que j'avais sur mes camarades. Je connais Tréguier. Ah bon? La rue de la Liberté, vous connaissez? Oui. Oh, c'est là qu'elle était, la pension de garçon? Oui. Non mais, juste après l'église Saint-Roch? Oui. Vous allez dire oui à tout ce que je dis? Vous feriez peut-être bien de freiner un peu sur le muscadet de Cambrai. Je ferais bien de freiner, mais je connais Tréguier. L'un n'empêche pas l'autre. Vous dites ça pour m'amadouer, hein? Si vous me croyez assez con pour mollir sous prétexte qu'un gars a traversé la Bretagne, vous faites drôlement erreur. Je suis pas patriote, moi. Je suis marin. Je connais des Bretons qui sont aussi crétins que les autres. Moi aussi. C'est pour moi que vous dites ça? Mais c'est vrai que vous connaissez Tréguier? Puisque je vous le dis. Ben moi, je connais pas trop, en fait. Le taulier de la pension, le père Kermarek, il s'arrangeait pour me coller tous les dimanches. La ville, je crois bien que je l'ai vu qu'à travers les fenêtres et les récits des copains. C'est ingrat, la mémoire. Parce que je me souviens du nom de ce salaud, mais pas de celui du prof d'histoire, qui était le seul à me défendre. Du Quédic. Comment? Du Quédic. Le nom de votre prof d'histoire. Du Quédic. Ben oui, c'est ça. Yann Du Quédic. Mais dites donc, de Cambrai. Vous m'espionnez ou quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes flic? Ah, c'est ça. Des messages, c'est de la blague en fait. La chambre, c'est un traquenard. Tout ce que vous voulez, c'est m'attirer dans votre truc de flic. Vous craignez les flics, Le Guerre? Ça vous regarde? C'est votre affaire, mais je ne suis pas flic. Tu parles. Et comment vous le connaissez alors, Du Quédic? C'était mon père. Vous foutez de moi en plus. Attendez. Regardez. Hervé Du Quédic, né à Tréguier le 3 décembre 42. Ah oui, c'est bien vous. Mais alors... Et... Mais... De Cambrai? De la foutaise. Alors... Vous êtes pas Aristo? Aristo? Dites Le Guerre, si j'étais Aristo, je ne m'userais pas les yeux à faire de la dentelle. Non mais, Aristo Fauché? Même pas, Fauché tout court, Breton tout court, mais attention Le Guerne, pas un mot à personne. Mais, Lisbeth? Même Lisbeth ne le sait pas, personne ne doit le savoir. Alors pourquoi vous me l'avez dit? Donnons. À honnête homme ennemi. Si ça vous fait changer d'avis pour la chambre, dites-le tout net, je peux comprendre. Vous restez? Parce que j'ai des demandes. Je reste. Bien. Alors, à ce soir au dîner. Il y aura de la tarte aux pommes au dessert. Et merci pour les messages. De Cambrai? Oui? Qu'est-ce qu'ils ont, ces messages? Ils sont putrides, nauséabonds, dangereux aussi, j'en suis certain. Dès que j'ai une lueur, je vous le dirai. Ah, le phare. Quand on voit le phare. Exactement. Je n'arrive pas à importer le fichier empreinte de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'il fout de bon sang? La rétention? On est antenne ou on n'est pas antenne? Arrêtez de grogner, Danglars, ça va venir. Camille a laissé un message pour vous. Elle est revenue de voyage. Si tu es libre, on peut se voir ce soir. Si pas libre, préviens-moi. Vous auriez quand même pu lui faire signe, depuis 2 mois. Dites, Danglars... Il y a un type qui s'amuse à peindre en noir des sortes de 4 alambiqués sur les portes des appartements. dans 3 immeubles. Un dans le 13e arrondissement et 2 dans le 18e. Je me demande si je vais pas y faire un saut. Quand ? Eh ben maintenant, le temps de prévenir le photographe. Pourquoi faire ? Eh ben pour les photographier, avant que les gens les effacent, si c'est pas déjà fait. Mais pourquoi faire ? Je n'aime pas ces 4. Pas du tout. Vous avez remarqué qu'il y a une grosse tête de con dans le groupe ? Favre, Jean-Louis. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Non, ça... C'est une question qui se pose au niveau mondial. Qu'est-ce que vous allez foutre avec ces 4 ? Regardez. Ça ressemble à ça. Il y a eu délit ? Violence ? Juste des traits de pinceau. Mais qu'est-ce que ça coûte d'aller voir ? De toute façon, tant qu'ils n'auront pas mis des barreaux aux fenêtres ici, toutes les affaires vont être dirigées sur le quai des Orfèvres. Je n'ai pas une raison pour faire n'importe quoi. Il y a du boulot pour tout mettre en route. Ce n'est pas n'importe quoi, Danglars. Je vous le certifie. Des tags. Depuis quand les taggeurs marquent-ils les portes palières ? À 3 endroits de Paris. Des amuseurs. Des artistes. Non, Danglars. Ça n'a rien d'artistique. En revanche, ça a tout du merdique. À l'église avec ma femme qui n'y était pas allée depuis 1 mois ou 2. Point de suspension, je me demande si c'est grâce à la pâte de lièvre destinée à me préserver contre les vents, mais je n'ai jamais eu la colique depuis que je la porte. Une pâte de lièvre, c'est un superstitieux. Un homme qui trompe sa femme et qui se protège contre les maladies. Alors l'autre. Et deis quae significant illud. Et parmi ces choses qui en sont le signe, est ut videas mores et animalia, il y a que tu vois des rats et des animaux quae habitant subterra, qui habitent sous la terre. Fugere ad superficiem terrae, fuir vers la surface, et pati seda, et souffrir seda. Seda, mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? C'est pas du latin, ça, seda. Non, ça peut pas être du latin. Où j'ai fourré mon gaffio, moi ? Seda. Pas de cédar. Bon, là, peut-être. Arabe. C'est de l'arabe. C'est l'autre texte. Bon, mais voilà. Videbis animalia ex corruptione genereta. Tu verras les animaux nés de la corruption multiplicare in terra, se multiplier dans la terre. Ut vermes ranas et muscas, tel les vers, crapauds et mouches. C'est la même chose. Ils se recopient les uns les autres, une seule idée ressassée encore et encore. Donc c'est une corporation. Élitiste, cultivée. Mais pas des moines, non. Non, ça n'a rien de religieux. Déjà s'effacer. Et ils sont tous faits à l'envers comme ça ? Tous. Soit le type est dyslexique, soit ça a une signification particulière. C'est de l'acrylique, qualité moyenne. Apparemment, ils ont été faits à la main, un par un, pas en série, avec un pochoir, comme la plupart des tags. Je vais prendre les mesures. Vous ne vous séparez donc jamais de ce maître, Danglars? C'est un porte-bonheur ou quoi? Pourquoi vous riez? Ça sert à tout, un maître, on n'a rien inventé de mieux depuis. Oh, excepté le couteau suisse, évidemment. Alors, 70 cm de haut, 3 de large. La base est un peu plus épaisse, un peu épatée. Ouais. Et il y a ces deux traits qui barrent la branche horizontale. L'homme est habile. Il fait ça d'un coup, sans reprise, comme un caractère chinois. Élégant, rapide. Il a la main, en effet. Bon, ça ira comme ça, je pense. Je peux prendre votre carte SD? Ah, mais c'est que j'ai d'autres photos dessus. Pour le quai. Ah, bah, alors vous les triez et vous m'envoyez ça par fichier. Bien sûr. C'est urgent? Pas spécialement, ça peut attendre un jour ou deux. Et à propos du quai, pas la peine de leur en parler. Ça reste une petite promenade entre nous, compris? Compris? Bon. Je vous dépose? Je veux bien. La main, il est peut-être bien peintre. Je ne crois pas. Ce ne sont pas des œuvres. Mais l'ensemble peut en faire une. Imaginez que le gars s'attaque à des centaines d'immeubles. On finira par parler de lui. Phénomène d'envergure, prise d'otage de la collectivité, c'est ce qu'on appelle une intervention. À mon avis, dans 6 mois, on connaîtra le nom de l'auteur. Vous avez peut-être raison. C'est sûr. Chez moi, à Nanteuil, il y a un gars qui a peint en quelques jours une centaine de poubelles publiques en rouge avec des points noirs. On aurait dit qu'un vol de coccinelles géantes s'était abattu sur la ville. Eh ben, un mois plus tard, le type décrochait un boulot dans la plus grosse radio locale. Et aujourd'hui, il fait la pluie et le beau temps sur la culture communale. Ouais, mais il y a un détail qui cloche. Quoi? Le type n'a pas peint toutes les portes des appartements, il les a peintes toutes sauf une. Dans les 3 immeubles. Et l'emplacement de la porte épargnée n'est pas toujours le même. Au 6e gauche, dans l'immeuble de Maryse, au 3e gauche, rue Poulet, et au 4e gauche, ici. Ça ne colle pas très bien avec une intervention. C'est la touche de déséquilibre qui fait que l'œuvre est œuvre et non pas décor. Que l'artiste propose une réflexion et non un papier peint. C'est la part manquante, l'inachevé, l'introduction du hasard. Hasard falsifié. L'artiste doit fabriquer lui-même le hasard. Non, ce n'est pas un artiste. Très bien, alors c'est quoi? Et si vous pouviez éviter de brépaume, je ne sais pas. Dans ces conditions, vaut mieux que je me taise. Pars vite. Pars vite. Et reviens tard. Et reviens tard. Pars vite et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Conseillère littéraire. Emmanuelle Chevrière. Pars vite et reviens tard. Est paru aux éditions Viviane Ami. Deuxième épisode. Avec Marina Golovine. Jean-Quentin Châtelain. Serge Ranco. Claude Aufort. Philippe Duquesne. Julien Lucas. Patrice Bornand. Rislaine Alcohen. Franck Molinaro. Arnaud Churin. Flora Brunier. Et les voix de Elodie Fiat et Nicky Marbeau. Pars vite, reviens. Bruitage, reviens. Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Cédric Ossier. Tard.